jamais je t'ai souri. Je n'avais pas vu toutes ces filles qui apparaissent dans ta vie et qui défilent. Que des mots, tu n'as que les mots.